Tu craches toutes les fumées de tes mâles pour light quand ton pot d'échappement grille un peu trop l'asphalte. Tu jettes des sacs plastiques sur les fleurs qui suffoquent. Et puis t'oublies très vite parce que toi tu t'en manques. Dis, t'entends pas la terre qui te crie au secours, qui te crie au secours. Tu crois pas que t'exagères en lui manquant d'amour. Dis, t'entends pas la terre, l'égoïsme rend sourd. Dis, t'entends pas la terre que tu plonges en enfer, en enfer. Tu balances tes bouteilles au milieu de l'océan, le nez planté au ciel, et vive les goélands. Et parfois, tu regrettes devant le JT du soir. Réchauffement de la planète, ça fait si peur à voir. Dis, t'entends pas la terre qui te crie au secours, qui te crie au secours. Tu crois pas que t'exagères en lui manquant d'amour. Dis, t'entends pas la terre, l'égoïsme rend sourd. Dis, t'entends pas la terre que tu plonges en enfer, en enfer. Avant que l'heure ne sonne, qu'elle tourne la page, avant qu'elle n'abandonne, c'était rien de passage. Et pour qu'elle nous pardonne, soyons un peu plus sages, un peu plus sages. Dis, t'entends pas la terre qui te crie au secours, qui te crie au secours. Tu crois pas que t'exagères en lui manquant d'amour. Dis,